Vendredi 19 octobre, 11h30. Toufik Le Sourisseau. À l'école, les débutants sont pour la plupart des étrangers qui ne maîtrisent pas suffisamment le français. Il y a entre autres, Nassour Le Maure, et Ali Le Comorien. François Le Gitan et son co-cellulaire, lui aussi gitan, font aussi partie de ce groupe. Eux sont bien français, des gitans français, mais ils ont dû faire, dans leur enfance l'école buissonnière, l'école du renard, comme disait mon père. Beaucoup sont jeunes. Il y a Khaled le coiffeur, qui doit me couper les cheveux, quand je récupérerai une paire de ciseaux. Il y a Tariq aussi, tout bien habillé. Tariq est coiffeur comme Khaled, je viens de l'apprendre. En fait, au temps où j'y étais, il y avait dans la cour des isolés, trois coiffeurs de métier, Khaled, Tariq et Crédif le culturiste. Peut-être alors, cette profession compte-t-elle plus de pointeurs que les autres? Je plaisante. Je plaisante, même si je devine bien que d'autres calculeraient certaines statistiques et en tireraient scientifiquement des conclusions en guise de sentence. On établit ainsi bien vite le profil des criminels à l'aune des représentations qu'on veut bien se donner. Et parmi tous ces jeunes, il y a enfin Toufik, Toufik Le Sourisseau. Toufik a 22 ans à peine, et une petite barbe naissante, presque encore du duvet. Il est parmi les moins agités, même si lui aussi court et crie parfois comme les autres. C'est vrai qu'il est si jeune encore. Il est arrivé en France alors qu'il n'avait pas 15 ans. Il a été recueilli dans différents foyers accueillant des mineurs étrangers isolés. Toufik est marocain. Je ne lui demande rien d'autre. Il parle un beau français matiné d'un accent d'Afrique du Nord tout en rondeur, il ouvre les voyelles, et prolonge toutes les fins de mots et de phrases. Il connaît par cœur la fable de la fontaine, le cochet, le chat et le sourisseau. Un sourisseau tout jeune, et qui n'avait rien vu, fut presque pris au dépourvu. Voici comment il conta l'aventure. Il nous l'a récité, à Alexandre le Métis et moi, un jour, dans la cour, alors que nous jouions aux échecs. Il l'a très sûrement apprise par cœur, ici ou peut-être au Maroc, je ne sais où. Il a dû la mémoriser phonétiquement, sans bien en saisir le sens. Il nous la récite à toute vitesse, en mangeant une partie des mots. Nous avons dû la lui faire répéter trois fois, avant que d'en comprendre quelque chose. Toufik est un garçon très doux et calme. Sa carrure est frêle, sa virilité encore toute adolescente. Il est condamné à 5 ans de prison, me dit-il. Il vient de faire appel et il souhaite changer d'avocat. Celui qu'il a eu à son procès, ne l'a pas défendu. 5 ans de prison. 5 ans de prison pour un garçon aussi jeune. Je ne sais quoi penser. Ou plutôt, je me dis que la prison n'est vraiment pas faite pour un sourisseau tel que lui. Elle va bien pour des vieux rongeurs comme moi, ou comme Jean-Marie, ou bien Bébert le Sicilien qui a déjà le poil tout grisonnant. Qu'avons-nous à perdre ici, si ce n'est de nous coucher de bonne heure? En tout cas plus notre jeunesse, nous l'avons, et heureusement, gaspillée ailleurs. Peut-être juste quelques années d'espérance de vie. Au total, pas grand-chose. Il me dit peu de choses de sa vie. En France, il n'a pas de famille. Sa famille, au Maroc, il ne l'a pas revue depuis ses 14 ans. Cela fait 8 ans maintenant. J'ai déjà le premier jour écrit 2 lettres pour lui, l'une à la CIMAD, une association qui s'occupe des sans-papiers, et l'autre au foyer de l'enfance, pour demander des justificatifs, depuis son entrée sur le territoire. Seulement a-t-il un correspondant, quelqu'un qu'il connaît, un type qu'il aurait un temps hébergé, et avec lequel il est resté en contact épistolaire. Il construisait, me dit-il, avec lui des bateaux. Comme il ne sait ni lire ni écrire le français, leur correspondance reste très aléatoire, au gré de qui veut bien lui lire, et lui écrire une lettre. Il me fait lire une lettre qu'il a reçue voici quelques semaines. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre déjà lui a lu. Il écoute sagement, attentivement, puis me demande de bien vouloir l'aider à lui répondre. Tu peux lui répondre pour moi l'ancien s'il te plaît. Oui, c'est ok, on va lui faire un courrier. Demain c'est samedi, je descendrai du papier à lettres. Non, je préférerais, si tu veux bien, que tu lui réponds pour moi dans ta cellule. Comment ça? Si je lui réponds, c'est avec toi. Je sais pas quoi lui dire moi. Il me regarde dans les yeux, les siens sont petits et fins, presque chinois, effilés comme 2 petites lames de rasoir. Tu trouveras les mots l'ancien, rajoute-t-il. Tu n'auras qu'à lui dire que je pense à lui et que je le remercie pour ses lettres. Je reste un peu décontenancé. En même temps, je vois bien qu'il ne désire pas que je traite ce courrier dans la cour. Ok, je lui dis, je lui écrirai. Je lui demande quelques renseignements complémentaires. Histoire de ne pas répondre trop à côté. Il me raconte que le type est un passionné de maquettes de bateaux. Pas des petites maquettes, me précise-t-il, des grosses, avec moteur et télécommande. Il les aide à les fabriquer, et surtout ensuite à les transporter depuis son appartement jusqu'au bassin où il les faisait naviguer. Dans son courrier, il a joint une photo, celle d'un hors-bord tout rouge. Il doit faire plus d'un mètre de long. C'est vrai qu'il est beau. Bon, avec ces quelques infos, je vais bien essayer d'en faire quelque chose. Je lui promets de lui descendre la lettre demain, quand nous nous retrouverons en promenade. Nous la relirons ensemble. Demande-lui aussi s'il peut me faire un certificat d'hébergement, pour mes papiers. Allez, je prends la photo et la lettre avec moi, je ferai l'écrivain public en cellule. Le bateau m'inspirera peut-être. Tout rouge, c'est vrai qu'il est beau. J'ai retrouvé pour lui la fable de la fontaine, un sourisseau tout jeune, et qui n'avait rien vu. Elle est dans le bouquin que m'a passé Virginie la maîtresse. Je lui en ferai une copie aussi. J'ai su depuis sa libération. En appel, il a été condamné à une peine ferme équivalente au temps qu'il a passé en prison. Sans papier, clandestin sur le territoire français, il a été conduit en centre de rétention, puis expulsé au Maroc, son pays d'origine. Un pays qu'il avait quitté alors qu'il n'avait pas 15 ans. Je n'aurai pas d'autres nouvelles. En prison, il ne faut pas s'attacher.